Eh bien, bonsoir. Ou bonjour. Lino et Francky, vos deux DJ, dédient spécialement cette cassette à Claudine. Au programme de cette cassette, il y aura de la New Wave, du reggae, une grande série de slow et un tout petit peu de funky. Et sans plus attendre, on va enchaîner avec de la New Wave, avec In Excess et son original Sing. Hey DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. You're the best, the best, the best, the best, the best, the best, the best. Precious little diamond. Eh bien, nous terminons notre programme en espérant que cette cassette t'a plu. Et c'est Fox the Fox avec son Precious Little Diamond qui nous dit au revoir et qui sait, à une prochaine fois.